Ça veut dire qu'il y en a. C'est assez mathématique. C'est pas possible. C'est pas possible cette connerie. Elle est un peu désaccordée là, la télé. Fais chier avec ton cap de bière. Allez, je fais un dernier test pour voir combien je pourrais mettre de bière. Reprochant mon attitude, c'est pas très populaire le goût de solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Oh merde. Merde, j'avais pas bouclé, putain. J'ai pas bouclé. Oh le con. J'ai oublié de mettre la loops. Le loops. J'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. Ça, c'est vraiment très con. Patience. Tapant sur son tambour, les fantômes du syndicat, les marchands de certitude se sont glissés jusque maline, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. T'es dans le désert depuis trop longtemps. Côté de la carte, pire hausse et lunatique. Son arrière rempli de sable et sa bûche pleine et verdie. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, karma, depuis trop longtemps. Vers demi-tour, a fait des neiges, me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat, des marchands de certitude, se sont glissés jusqu'en aller, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, Benji, depuis trop longtemps. Ça sert toutes les règles, on peut truquer. Pas de pouvoir, on n'est pas un. Entre ça, l'ordinateur qui bug. Thank you. câble de vieille, elle va changer, elle va prendre la guitare solo. Allez, câble de vieille, change de guitare. Mais un truc. Enfin, il est en train de chercher sa guitare, câble de vieille. Câble de vieille a perdu sa guitare. Bourré câble de vielle. Calme-toi, câble de vielle. Calme-toi, mais calme-toi. C'est un peu le bordel.